Irons-nous dans la lune ? Ces gens de la lune, reprit-elle, on ne les connaîtra jamais. Cela est désespérant. Si je vous répondais sérieusement, répliquai-je, qu'on ne sait ce qui arrivera. Vous moqueriez de moi, et je le mériterais sans doute. Cependant, je me défendrais assez bien, si je le voulais. J'ai une pensée très ridicule, qui a un air de vraisemblance qui me surprend. Je ne sais où elle peut l'avoir pris, étant aussi impertinente qu'elle est. Je gage que je vais vous réduire à avouer, contre toute raison, qu'il pourra y avoir un jour des relations entre la Terre et la Lune. Remettez-vous dans l'esprit l'état où était l'Amérique avant qu'elle eût été découverte par Christophe Colomb. Ses habitants vivaient dans une ignorance extrême. Loin de connaître les sciences, ils ne connaissaient pas les arts les plus simples et les plus nécessaires. Ils allaient nus, ils n'avaient point d'autres armes que l'arc. Ils n'avaient jamais conçu que des hommes puissent être portés par des animaux. Ils regardaient la mer comme un grand espace défendu aux hommes qui se joignaient au ciel, et au-delà duquel il n'y avait rien. Cependant, voilà un beau jour le spectacle du monde le plus étrange et le moins attendu qui se présente à eux. De grands corps énormes, qui paraissent avoir des ailes blanches, qui volent sur la mer, qui vomissent le feu de toutes parts, et qui viennent jeter sur le rivage des gens inconnus, tout écaillés de fer, disposant comme ils veulent des monstres qui courent sous eux et tenant dans leurs mains des foudres dont ils terrassent tout ce qui leur résiste. D'où sont-ils venus? Qui a pu les amener par-dessus les mers? Qui a mis le feu à leur disposition? Sont-ce les enfants du soleil? Car, assurément, ce ne sont pas des hommes. Je ne sais, madame, si vous entrez comme moi dans la surprise des Américains, mais jamais il ne peut n'y avoir eu une pareille dans le monde.